cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir, al-qa'idah al-rabi'a, la quatrième règle concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fama hi, hadhihi al-qa'idah. فماذا يكون بالمطابقة؟ قال الأخ تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. دلالة أسماء الله تعالى. نعم، دلالة الاسم. ما معنى دلالة الاسم؟ الرحيم يدل على ذات الله تعالى بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. أحسنت. الاسم، ما من اسم؟ لأننا dans les règles des noms. Ma min ism. Tu peux remplacer le mot dalala par yadul. Fa dalalatu asma illahi ta'ala. Ma min ism. Il a une dalala. Ala dhatillah. Wa sifatihi. Ça peut être une sifa, deux sifa, plusieurs sifa. Imma bil mutabaka. Imma bil tadammun. Imma bil iltizam. Et avec les amthila, inshallah, ça va être clair. Fadalalatu asma illahi ta'ala. C'est important de bien comprendre al-qa'ida mot par mot. Lianna kalam al-shaykh, il est précis. Limada il est précis? Liannahu c'est un résumé, ikhtisarun, li kalam al-imam al-qayyim rahimahullah. Al-shaykh al-azimin rahimahullah, il a choisi des mots précis. Il a résumé au maximum pour simplifier cette règle. Adalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont désigner bien sûr dhatullah subhanahu wa ta'ala, Allah lui-même. Ar-Rahim c'est Allah, Al-Malik c'est Allah, Al-Qayyum c'est Allah. Kadhalik هذا الاسم, il va désigner une sifa. مثلا الرحيم صفة الرحمة الخالق صفة الخلق الرزاق صفة الرزق وهكذا إما بالمطابقة هذه الدلالة سيتخ إما بالمطابقة إما بالتضمن إما بالالتزام إن شاء الله كم سا سي بلو سامبل لا فبقي أن نفهم ولله الحمد سي كومبري معنى المطابقة ومعنى التضمن ومعنى الالتزام. فسي تو كومبري لا ريغل دلالة أسماء الله أن شاك مود الله سبحانه وتعالى يديزيني الله لوي ميم سبحانه وكذلك دي زاتريبيو إما بالمطابقة إما بالتضمن إما بالالتزام. فما معنى المطابقة وما معنى التضمن وما معنى الالتزام؟ On commence par le premier, amma al-mutabaqa. N'oubliez pas, on est toujours fi dalalatu. On est toujours fi dalalati al-lafd. Le lafd, c'est un ism min asma illah. Enfin, n'oubliez pas le mot dalala. Pour bien qu'on comprenne. Tafaddal akhi. Dalalatu al-mutabaqa, hiya dalalatu al-lafdi, ala tamami al-ma'na, al-lazi wudi'a ala. Ahsan. Dalalatu al-lafd. على تمام المعنى الذي وضع له. Qui c'est qui peut expliquer هذا؟ تفضل, continue. ولا بس هنا, ça peut être compliqué à formuler l'explication. لا بس أن vous vous aidez d'un exemple. تفضل. مثلا البيت, لفظ البيت يشتمل كل ما على الاسم. فمثلا يدل. Remplace le mot يشتمل par يدل. لفظ البيت يدل على ماذا؟ على النافذة والباب والجدار. على تمام المعنى. البيت il a un sens. La maison, linguistiquement, ça a un sens. Que ce soit en langue arabe, en langue française, une maison. Une maison, c'est quoi? بيت. c'est un ensemble à notre époque de briques, et avec bien sûr de la ferraille, avec des choses pour rassembler. Il a akhiré, des fenêtres, des portes, un toit. Il a akhiré, une maison. هذا معروف عند الجميع. فلفظ البيت بالمطابقة يدل على ماذا؟ على تمام المعنى. Tu comprends que cette maison elle est faite de kada, kada, kada, kada. هذا c'est بالمطابقة. Un exemple في اسم من أسماء الله عز وجل. من هنا تفضل. فلفظ الخالق يدل على ماذا أولا؟ على ذات الله، أن الخالق سأ الله، هذا أولا. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى له صفة الخلق. صصب المطابقة، صصب المطابقة. أي dès que tu entends le mot, le nom plutôt خالق, tu sais que Allah c'est le خالق. Ça fait partie de ses noms. Et ce nom il désigne Allah سبحانه وتعالى lui-même. كذلك une deuxième chose d'estavid أن الخالق إلى صفة عظيمة صفة الخلق هذا ما يتعلق بالمطابقة et c'est très simple لله الحمد deuxième دلالة on est toujours في هذه القاعدة العظيمة دلالة التضمن من هنا تفضل أخي دلالة اللفظ على جزء معنى الجزء معنى على جزء معنى حقيقة c'est l'opposé si on peut هنا employer le mot opposé de المطابقة المطابقة c'est toute la معنى ça va englober toute la معنى tout ce que son love dit comprend التضمن une partie فقط notre exemple de la maison عندما دلالة التضمن في لفظ البيت مثلا البيت بالتضمن يدل على الباب أحزنت On a une maison, si tu dois retirer une chose, enfin forcément une maison, il y a une porte. Ah, ou il y a des briques. Mohim, tu cites une chose. Et هذا البيت بالتضمن, tu comprends, نهو, il a une porte. مفهوم. هذا واضح. Ça, c'est دلالة التضمن. في اسم من أسماء الله عز وجل. Autre que le خالق عندما. نعم, تفضل. غير الخلق هنا دي غير الخالق ندخل مثال تفضل اسم السميع يدل على ان الله عز وجل منسوب بصفة السمع احسنت بالتضمن ان كون tu entends هذا الاسم السميع tu comprends directement ان الله سبحانه وتعالى له صفة السمع بالتضمن دلالة التضمن هل تدرك comprendre هذا bien sûr avec les preuves لكن vu que c'est السميع Forcément, il a le sam'a. C'est clair. Dalalatu al-iltizam. Indaman. C'est que c'est le ta'rif, thumma, il explique. N'am, ala amrin kharij. Ala amrin kharij. Et hada l'amr lazimun li al-musamma. Huna. مثلاً، on va citer l'exemple avec البيت وavec un اسم من أسماء الله. دلالة اللفظ على أمر خارج عن معنى. فنوتر exemple de البيت، on va citer un autre exemple que البيت. البيت on l'a déjà fait plusieurs fois. Un autre exemple، pas parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى. Autre chose qu'on n'a pas cité. تفضل أخي. السيارة تدل بالالتزام على مهندس. السيارة، une voiture. Quand tu entends هذا اللفظ Tu comprends forcément qu'une personne a contribué à construire cette voiture. Il faut des plans, il faut plusieurs choses. Enfin, maintenant, les mohandis sont des ingénieurs qui ont fait des plans pour cette voiture. Ça veut dire quoi قَوْلُهُ خَارِجٌ أو عَلَى أَمْرٍ خَارِجٌ عَلَى أَمْرٍ خَارِجٌ تفضل مثلا السيارة c'est quoi la معنى d'une voiture c'est quoi le sens d'une voiture c'est un assemblement de pièces des roues une carrosserie, de l'électronique, beaucoup de choses, des pneus, il a akhari, pour faire cette voiture. C'est ça une voiture, c'est un assemblement de toutes ces pièces. Est-ce que l'ingénieur, il fait partie de la voiture? Là. Là. Si on te décrit, on te demande le sens d'une voiture, tu vas pas citer l'ingénieur. Si on te demande que la voiture, c'est un assemblement de pièces. Enfin, l'ingénieur, c'est quelque chose de kharij ani al-ma'na. Lakin ta'ammalu qawlahu lazimun lah. Lakin cette chose qui fait pas partie de la voiture elle-même, elle est liée à cette voiture. C'est ça qawluhu lazimun lah. Et tu peux pas avoir de voiture sans ingénieur. C'est ça, al-asl. S'il y a une voiture, c'est qu'il y a un ingénieur. هذا قوله لازم له سي امبورطون في اسم من اسماء الله عز وجل عند من اسمه البصير يدل على صفه القدره يدل بماذا tu dois employer les mots الان بدلاله نعم احسنت على صفه القدره دونك On récapitule, on a Ism al-Sami'a, ou plutôt on a al-Basir. Allah c'est celui qui voit, il voit tout, Azza wa Jal. Dalalatul iltizam, si on applique, hiya dalalatul lafd. Ala amrin kharij, ay hadha al-lafd al-Basir, satastafid une faïda kharija, anna al-ma'na, du Ism, lianna Ism al-Basir, si on te demande le sens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il voit. فستستفيد من فائدة كلازمة لهذا الاسم أي si Allah سبحانه وتعالى il voit c'est que forcément il a le قدرة pour voir il est على كل شيء قدير et هكذا كذلك il a صفة الحياة لأن celui qui voit il est forcément vivant tu peux déduire beaucoup d'autres attributs et on a c'est important كما تذكرنا مع أخ من الإخوة أن قوله على أمر خارج عن معناه ne pas comprendre عن الموصوف لماذا لأن الموصوف c'est Allah سبحانه وتعالى البصر c'est une صفة لله والقدير القدرة c'est une صفة لله donc le لازم c'est une autre صفة d'Allah ne pas comprendre que c'est quelque chose de خارج أي autre que les صفة d'Allah عز وجل أبدا لا L'essentiel, c'est que tu comprennes que dalalat al-iltizam, tu vas citer un autre attribut lakin, qui ne fait pas partie du sens du premier. Lakin, il est lié. On répète, al-basir. Tastafid ma'ada sifat al-basir. Bi al-mutabaqa, si c'est al-jami' al-ma'na, et al-tadamun, si c'est une partie. Thumma al-iltizam, sa tastafid min hada al-ism. Aïe que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le basir, celui qui voit. ستستفيد ماذا tu vas déduire أن si Allah y voit forcément il est vivant et tu auras automatiquement un délit et si Allah سبحانه وتعالى y voit tout c'est qu'il est capable de tout سبحانه وهكذا فالحقيقة c'est simple لكن on répète et on تعاون في هذا حتى إن شاء الله يفل دشكال Et on avait lu ensemble Kalam Shibn Uthaymin, rahimahullah, fi al-lazim, wa amma al-lazim ila akhri. Il faut bien comprendre, et on répète, anna c'est une faïda qui n'a plus rien à voir avec la règle elle-même. Lakin c'est lié au cours. Ça n'a rien à voir avec la règle, et anna les règles, c'est dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Amma la faïda qu'il a cité Shibn Uthaymin, al-lazim, est la parole d'un être humain, autre que le prophète alayhi sallam. Est-ce que s'il dit une chose, ce que ça implique, c'est forcément ce qu'il a voulu? Là. C'est pas forcément comme ça. S'il accepte ce qu'il a voulu, il a akhiri, on avait fait le tafsir. Donc, c'est une faïda en plus. C'est pas lié au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, il y a un lien avec le dars, l'imad. C'est quoi le lien avec le dars? La faïda qu'il a cité à la fin. On répète, anna qawl al-bashar. Ou plutôt, l'azim min qawlih, c'est pas forcément son qawl. Et on avait détaillé ça. Ce qui nous intéresse, on a pourquoi Cheikh Ibn Uthaymin il a cité hada huna. Il aurait pu s'arrêter à l'exemple qu'il a cité, fil khaliq ila akhri, on a compris la règle et passé à autre chose. Limada il a cité hada. Tafadhal akhi. Inna hal bid'a istadallu bi hada yunkiru anna ahli sunnah. يشبهوا الوجه بخالق بمخلوق. لا بس شو معظمين إلى السيتي هذا هنا نعم dans le premier cas il a cité هذا لكن plus globalement il pourquoi il a cité cette masala pour ne pas croire أن لازم قول البشر c'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle عز وجل أو son prophète عليه الصلاة والسلام فلهذا شو معظمين رحمه الله c'est comme s'il a fait un tembih une remarque. Et ne crois pas, vu que maintenant tu as compris c'est quoi Al-Lazim. Al-Lazim, c'est ce que ça va impliquer. Telle chose, ça va impliquer telle chose. Fi asma illahi subhanahu wa ta'ala, c'est haq, on a dit, tant que le lazim il est haq. Fi kalam rasul alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est haq, tant que le lazim il est haq. Et on a cité des exemples dans le cours. Fi kalam al-bashar, même si c'est un savant de la sunna, même si c'est quelqu'un qui parle bi haq, et il aime le haq, ne crois pas que ce que son kalam, ce que sa parole elle va impliquer, c'est forcément son avis. Là, il y en a, il peut s'énerver, il peut se tromper, il peut oublier, il peut faire une erreur, il peut suivre ses passions. Ayadam billah dans un cas. Et à dal hal, tu emploies les trois cas. Il accepte. Il a été conseillé, il accepte. Enfin, ça devient son qawl, il doit assumer. Ça devient son avis. S'il refuse, il dit là, non, j'ai pas voulu dire, c'est vrai que j'ai dit cette parole, laquelle j'ai pas pensé comme tu as pensé. On n'a pas le droit de dire qu'il a voulu dire cela. Et l'implication de sa parole. Troisième cas, si on peut pas. Matalan, il est mort, Matalan, il a voyagé, on peut plus lui demander. Et on sait pas est-ce qu'il a, il a vu, l'implication de sa parole, est-ce que vraiment il a voulu ça. On n'a pas le droit de dire que c'est sa parole. On dit Allahu a'lam. Et ça nous montre, ya Erwan, l'importance de peser ces mots quand on parle. Khasatan, ad-da'i ila Allah, khasatan celui qui parle au nom du din. Y'a rien, on dit une chose, les personnes ils peuvent comprendre de ta parole, ça implique que telle chose c'est interdit. Ou un tel c'est un égarement. Ou telle chose c'est une bid'a. Et les gens, s'ils te font confiance, ils peuvent prendre ta parole comme quelque chose de vrai. Quand on parle, on fait attention. Quand on parle des autres, quand tu fais une erreur avec toi-même, concernant toi-même, tu te trompes. Enfin, si c'est, ça dépend des domaines. Ça peut être grave, ça peut être moins grave. Lakin fi haqq al-ghayr, ça peut être très très grave. Tu te fais injustice à toi-même en te trompant et tu es injuste envers un autre. Bien sûr, une qa'ida azima dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et كذلك une fa'ida azima vi al-wara' al-khawf min Allah, et qu'on craigne tous Allah subhanahu wa ta'ala quand on parle. Limada li'anna al-kalam, quand tu cites une phrase, quand tu t'akallam, fais attention de ne pas suivre ta colère, tes passions. Li'anna al-kalam comme yaqulu ba'du ahli al-'ilm, ça peut être encore plus dangereux que as-silah, qu'une arme. Une arme, ça peut faire beaucoup de dégâts. Celui qui veut utiliser une arme, il doit réfléchir. Et là, ça va impliquer des choses. Obama, il y aura des morts, des blessés, yadam billah. Al-kalam, ahyanan, wallahi, c'est achad. Ça peut pousser à des choses très très graves. Comme minannas, ils ont divorcé à cause d'une kalima. Et tout ce que ça impliquait. Peut-être qu'il a dit cette phrase, ce mot, il n'avait pas pensé à certaines choses. Et ça impliquait très vite. Beaucoup de choses, ça a fini par un divorce. Comme les gens, ils ont été blessés ou tués à cause d'une kalima. L'insan yattaqillah. Et il choisit les mots appropriés. Et en fait, la seule solution d'ad-du'a, l'insan il fait du'a, Allah subhanahu wa ta'ala yusaddid qawlah ila akhiri, c'est l'ilm. Vous avez remarqué que l'alim, quand il parle, son kalam il est mauzoun. Il peut se tromper, bien sûr. Il peut oublier. Lakin le kalam il est mauzoun, inshallah ça fera pas de mal, même si c'est une erreur, ça reste une erreur. Amma al-jahil, ou celui qui ne fait pas assez d'efforts fil'im, faroubama kalam, oui, fait beaucoup de dégâts. Fa hada wa lillahi alhamd, stavadna min hadihi al-qa'ida, de cette fa'ida fi al-lazim. On répétera pas les trois cas, on s'attardera pas dessus, il y en a, c'est pas lié directement aux règles. L'essentiel, wa lillahi alhamd, c'est que la quatrième règle, elle est comprise. On s'est attardé sur Muraja'a limada, on répète, c'est une qaïda assez compliquée au départ pour certains. Limada, c'est des nouveaux mots. Mutabaqa, tadamun, iltizam. Al-ikhwa, ils n'ont pas l'habitude d'utiliser ces mots. Alhamdulillah, c'est compris. Et on passe à la qaïda suivante. Qala, rahimahullahu ta'ala, al-qaïdatul khamisa, asma'ullahi ta'ala tawqifiyya, la majala lil'aqli fiha. هذه القاعدة من أنفع القواعد. C'est parmi les règles les plus importantes. أن هذا الباب العظيم que ce soit les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala وهكذا les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala الصفات بل toutes les مسائل de notre دين la base c'est que c'est توقيفي. Ça veut dire quoi le mot توقيفي? Vous connaissez le mot وقف? Vous connaissez le mot قف? Les panneaux dans le code de la route. Qif, stop, en français. Tawqifiyya, ça vient de ce mot. Waqafa, yaqif. Qif, al-waqf. Quelque chose de tawqifi. Et tu dois t'arrêter à une chose. Tu ne dois pas dépasser cette chose. Faqala, rahimahullah, asma'ullahi ta'ala tawqifiyya. Tawqifiyya ala mada? Ala al-kitabi wa ala al-sunnah. Tu n'as pas le droit de te prononcer sur ce sujet. On est dans les noms, là, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et asma'illahi azza wa jal, que si tu as un délil. Et si wahid il prétend que Allah subhanahu wa ta'ala, il a tel nom, il faut un délil. S'il n'y a pas de délil, on n'a pas le droit de dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a tel nom. Hada ma'na qawlihi rahimahullah. أسماء الله تعالى توقيفية أي نقف عند النص que ce soit القرآن أو السنة الصحيحة وعلم هنا c'est important أن لا مجال للعقل bien sûr كما قال شيخ ابن عثيمين لا مجال للعقل فيها العقل c'est la raison. Et on n'a pas le droit d'utiliser la raison seule, sans revenir au texte, pour affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala il a tel nom ou tel nom. لماذا لأن هذا الباب هذا الباب العظيم c'est un باب أي الأسماء والصفات les noms et les attributs الأسماء والصفات لله عز وجل. Et personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi dunya. Donc ça montre qu'il n'y a pas de place pour la raison. La raison, elle peut t'aider dans certaines choses que tu vois, que tu entends, que tu sens, ou de l'expérience. L'islam, ça ne veut pas dire qu'on met la raison complètement de côté. Abadan. Là, la raison, al-aqlu, al-sarih, al-sahih, qui n'a pas été iyadan billah sali par l'égarement ila akhri, il comprendra هذا الباب. Il comprendra الدين ولله الحمد. لماذا لأن العقل السليم il contredira pas les textes, les nusus الصحيحة أبدا. Il n'y a pas de contradiction entre la raison et les textes. لكن هنا qu'est-ce qu'il veut montrer Jérôme Al-Azaymin? أن العقل tu peux pas le prendre comme source pour déduire أن الله il a tel nom ou tel nom. لماذا? On répète, لأن الإنسان il n'a pas vu Allah سبحانه وتعالى. الإنسان pour connaître imma un attribut, imma un nom, il n'y a qu'une chose, al-wahi. L'imana li'anna pour nous, ça fait partie de l'invisible. Umur al-ghayb, on n'a jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a jamais vu ses attributs azza wa jal. Donc, baqiya lana shay'un, c'est quoi? C'est al-wahi, al-nas. Al-khabar. Une information. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité des noms dans le Coran. On a une source. On peut dire Allah il a tel nom, l'imam Ali, en Allah il a informé Azza wa Jal. Ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a cité des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a une source, on a une base. On dit na'am, Allah il a tel nom. Pourquoi? Parce qu'on a une preuve. On a un argument authentique, on peut l'utiliser. Amma, ghayr hadha, on ne peut pas. La aql, elle a raison seule. Elle peut pas déduire, elle peut pas affirmer أن الله il a tel nom sans revenir aux sources, au Coran et à la Sunna. كذلك هنا القياس فيغ القياس مثلا الله سبحانه وتعالى إلى تل اسم إلى تل نم donc et on essaye de déduire avec avec القياس s'il a ce nom c'est qu'il a tel nom s'il n'y a pas de délil فلا لا يجوز لا يجوز. C'est pour ça que quand on parlait de l'iltizam, ça revient à ahlul ilm et ceux qui ont des connaissances fi hada hatta l'insan la yatakallam bi ghayri ilm. Et si l'insan il a du ilm et dalalatul iltizam, ça le conduira forcément, on parlait de sifat, ça le conduira forcément de citer une sifa qui est citée dans le Coran ou dans la Sunna. Il n'y a pas de contradiction dans les textes. Abadan. Amma wahad avec le qiyas, il veut déduire qu'Allah il a tel nom, il n'a pas tel nom. Hada la yajouz. La yajouz, c'est haram. On a un dalil, natakallam. On n'a pas de dalil, on dit Allahu a'lam. Hada, c'est muhim. Wa dhakara al-muhaqqiq rahimahullah ba'd kalam ahli al-ilm al-shaykh Kamal العدني عليه رحمة الله إلى ستي قول الإمام الشافعي رحمه الله قال الإمام الشافعي رحمه الله لله تعالى الأسماء والصفات جاء بها في الكتاب وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم لا يسع لأحد من خلق الله تعالى قامت الحجة عليه ردها. Vous avez remarqué que في هذا النقل الجميل الإمام الشافعي رحمه الله il a cité un des noms les attributs, t'es obligé pour affirmer un ou un attribut de les citer إما من القرآن الكتاب إما من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة. Et une fois que tu as ce dalil, tu n'as pas le droit de rejeter. Et tu as deux choses في الحقيقة. Tu as le fait de citer un nom ou un attribut, ils te font un dalil. Deuxième chose, quand tu as le dalil, tu es obligé d'accepter. Tu es obligé de dire en Allah il a tel ism. Pourquoi? Parce qu'il y a un délit. Wa dhakara kadhalik kalam al-imam Ahmad rahimahullah qala wa la ma'loum illa bima wasafa bihi nafsah thumma qala wa la yablughu al-wasifun sifatahu wa la yuta'adda al-Qur'an wal-hadith fa naqul kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsah wa la yuta'adda dhalik. كلام جميل من إمام من أئمة أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله قال ولا يتعدى القرآن والحديث. On a pas le droit de dépasser les limites في هذا الحال. On a des limites, c'est les textes du Coran et de la Sunna. Tous les noms qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna, فنؤمن بها. أما أخر فon n'a pas le droit de dire Allah il a tel ism et on n'a pas de dalil. في هذا الحال on se tait. Allahu a'lam. قال فنقول كما قال عز وجل ونصفه بما وصف به نفسه فأنتي كما الله سبحانه وتعالى إلى مثلا الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى أنتي أن من أسماء الله عز وجل الرحمن. لماذا؟ لأن الله إلى دي الرحمن إلى ستين دسين. كذلك نفهم أن من صفات الله عز وجل الاستواء الرحمن على العرش استوى. On dit أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. الله s'est élevé au-dessus de son trône. Et نقف هنا. أما déformé, rejeté, inventé, عياذا بالله. Ça c'est la voie de أهل البدع والضلال. قال ولا يتعدى ذلك. فهذا c'est un كلام جميل. Et il a cité les références. اجتماع الجيوش للإمام ابن القيم الفتاوى لشيخ الإسلام التيمية. والمسائل والرسائل كأنها كذلك لشيخ الإسلام لتيمية رحمه الله. ثم قال شيخ العثيمين وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. هذا الذي تذكرنا ensemble ولله الحمد. فلا يزاد فيها ولا ينقص. On n'a pas le droit d'ajouter ou de retirer des choses, d'ajouter un nom, on n'a pas de délit, ou de retirer un nom alors qu'on a un délit. لا يجوز هذا. قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. صحيح. أن العقل il peut pas comprendre ou plutôt savoir أن الله سبحانه وتعالى يميغي تل اسم أو الله سبحانه وتعالى يلقى تل اسم on peut pas savoir نحن هذا لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه نحن on est ضعيف dans notre idrak la façon de concevoir les choses de comprendre les choses de connaître les choses on est ضعيف on n'a pas beaucoup de science et on a des faiblesses d'être humain on n'a qu'un moyen pour connaître les noms d'Allah سبحانه وتعالى les attributs c'est الخبر إما القرآن إما السنة أي أن تكست كلير صحيح قال فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا et le fait de citer un nom que Allah سبحانه وتعالى il a pas cité عيادا بالله c'est من الكلام على الله بلا علم et parler بلا علم c'est très très grave لكن في حق الله عز وجل c'est encore plus grave c'est من الكبائر بل c'est من أعظم الكبائر كما في قول الله عز وجل قال وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يتأمل هذه الآية كما نبه أهل العلم comme il cite les savants Huna, an Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité le plus grave des péchés, al-shirku, et kadhalik, il a cité un péché très très grave juste après, an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Et le fait de parler ala Allah bila ilm, ça peut conduire au shirk, au plus grave des péchés. Ala kulli hal, c'est un très très grand péché. Parler bila ilm, c'est grave. Fil halal, fil haram. Le fait de dire cette chose c'est halal, cette chose c'est haram, et sans ilm, sans science, c'est très très grave. Lakin, fi haqq Allah Azza wa Jal, dans ses noms, dans ses attributs, comme ils font Al-Jahmiya, ou Al-Mu'tazila, ou Al-Ash'ari, Abdullah, etc., c'est encore plus grave. Kama taqaddam, au début du cours, Al-Wara', c'est muhim. La langue, c'est la langue de l'insan, c'est une ni'ma. Min ni'am Allah Azza wa Jal, lakin wallahi, ça peut devenir une niqma. Ça peut devenir une moussiba. Bel kama ja'a fi hadith Mu'ad, radiyallahu anhu, hal yakubbu an-nas finna. أو هل يؤخذ هل نؤخذ بما نتكلم به؟ il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce qu'on va être jugé par rapport à ce qu'on dit? Le Nabi صلى الله عليه وسلم il lui a répondu تكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم إلى آخر الحديث بل c'est une des plus grandes causes qui poussera les gens en enfer اللسان La médisance, le mensonge, عيادًا بالله, se moquer de la religion, le kufr, le shirk, tout ça avec la langue, et من هذه الذنوب الخطيرة, le fait de parler بلا علم. ففي هذا الباب, أخي الكريم, باب الأسماء والصفات, بل باب العقيدة, plus globalement, بل باب الدين, parle pas sans علم. Tu sais, parle, alhamdulillah. Tu peux faire profiter, tu peux conseiller, تكلم, tu peux donner une فائدة. Tu sais pas, t'as un doute, arrête-toi. Et un nasiha, avant de parler, fais des efforts. On sait pas. À cause de l'ignorance, on pense qu'on parle bi'ilm, mais on parle sans ilm. On pense que notre kalam, il est fondé sur des sources. Et en haqiqa, quand tu viens chercher, il n'y a pas de source. Ou c'est mal compris. Ça vient de quoi? Ça vient de l'ignorance. Donc le conseil, c'est avant de parler, on doit tous faire des efforts. Et une deuxième nasiha, anna. مما إن شاء الله يساعدك في هذا الباب أنك لا تتكلم في مسألة إلا ومعك إمام كما قال الإمام أحمد رحمه الله وينسب إلى غير الإمام أحمد المهم هذا الكلام إلي جميل أي fais attention quand tu veux parler d'une كلمة que tu as un قول de savant حتى tu inventes pas une chose في دين الله عز وجل ou une explication bizarre que personne n'a dit et iyadun billah ça devient une cause d'égarement là ça ne veut pas dire que la première parole de savant que tu as ça sera le haq et tu te bases dessus là on se base sur les adilles lakin avec le délil la compréhension de savant et si tu n'as pas de parole de savant sur ce que tu dis ce que tu penses ce que tu affirmes fais attention ça peut être de l'égarement l'anna al-haq il était présent depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours on ne peut pas emmener quelque chose qu'il n'y avait pas avec هذا سمهم ثم قال رحمه الله ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله عز وجل صحيح جناية c'est très très grave جناية il traduit par crime c'est un ذنب عظيم لماذا؟ لأن الإنسان في الحقيقة parler sans science c'est grave. لكن oser le faire في حق الله عز وجل c'est très très grave. C'est encore plus grave. قال فوجب السلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. Un bachar, un être humain, tu respectes, qui a une manzila, il a un certain rang par rapport à toi, tu ne peux pas l'appeler avec autre que son nom, si tu l'appelles par son nom. Là, il y a ça ne se fait pas. Tu vas appeler Wahed avec autre que son nom. Imma, ça peut être de la moquerie, imma, ça veut dire que tu ne connais même pas son nom, et il va mal le prendre. Al-Muhim, Al-Insan, il n'acceptera pas ça. Et Obama, il te le fera remarquer. Enfin, on n'a pas le droit de se laisser aller via hadal bab et accepter les choses sans adil. كذلك بعض الأسماء et on précise هنا فيها خلاف بين أهل العلم. بعض العلماء disent que c'est un اسم ثابت لله. بعض العلماء disent que c'est pas un اسم ثابت لله. هذا ça rentre pas dans notre مسألة. الناس si on diverge مع واحد مثلا في اسم المحسن. بعض العلماء يقولون que c'est un اسم ثابت لله. أئمة كبار أثبتوه. Et بعض العلماء يقولون لا. C'est pas un اسم من أسماء الله. Les أحاديث في اسم المحسن بعض العلماء يقولون que le hadith il est faible. Et on ne détaillera pas هنا. Pour vous citer un exemple. في هذا الحال, si ton frère il prend l'avis, il a fait une étude et il est convaincu que المحسن c'est un اسم من أسماء الله, في هذا الحال لا يجوز de l'accuser, il a inventé le nom d'Allah, il parle bila ilm. Là, c'est un khilaf bayna ahli ilm, ça arrive sur certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On finit avec Kalam Shaykh Ibn Uthaymeen bi Al-Hashiya, Al-Muhaqqiq, rahimahullah, il l'a cité, c'est un kalam jamil, min Sharh Al-Wasitiya, par rapport au aql, à la raison. Et par hakika, on a fait ce tambih au départ, cette règle, ça ne veut pas dire que le musulman il rejette complètement la raison. Abadel. Lakin, اسمع كلام شيخ ابن عثيمين il est مفيد. قال رحمه الله في شرح الواسطية إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على السبيل الإجمال لا على السبيل التفصيل. Et ça c'est important. العقل, ta raison, bien sûr, elle va comprendre من حيث الإجمال كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله. أما التفصيل الإجمال ça veut dire quoi? Ça veut dire sans les détails. مثلا on sait que Allah subhanahu wa ta'ala il a les noms parfaits. Notre raison elle accepte هذا même si on ne connaît pas tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكن بالتفصيل, التفصيل ça veut dire quoi? Ça veut dire تنو اسم الله اسم الحي اسم القيوم. Ça c'est التفصيل. Il est cité un par un, c'est ça le tafsir. Mais via d'al-hal, on doit avoir un dalil. Fait différencier entre l'ijmal ou le tafsir. L'ijmal, c'est globalement, et le tafsir, c'est spécifiquement. Qala, al-aql yudrik bi anna al-rab la bud an yakun kamil al-sifat, wa yudrik bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yumna an yakun hadithan ba'd al-adam. Tout ça, la raison, elle accepte. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs parfaits. كذلك notre raison elle accepte أن الله سبحانه وتعالى il n'a pas d'imperfection, il n'a pas de défaut. قال ويمنع أن يكون حادثا بعد العدم لأنه نقص عيدا بالله. Si واحد demande est-ce que Allah سبحانه وتعالى il a existé après ne pas avoir existé عيدا بالله, فلا raison elle rejette هذا. Même si واحد مثلا il ne connaît pas de dalil via هذا, فلا شك أن son cœur الفطرة والعقل rejette هذا. لماذا؟ لأنه c'est du نقص عيدا بالله. لأن une chose qui n'existait pas et qui existait c'est la créature, c'est ce qu'on appelle une créature. أما الله عز وجل c'est le خالق. قال والعقل يدرك بأن يكون أو بأن كل صفة نقص فيها أو كل صفة نقص فهي ممتنعة على الله تقدم لأن الرب لابد أن يكون كاملا فيدرك بأن الله عز وجل مسلوب عنه العجز لأنه صفة نقص. كذلك si on demande à واحد n'importe quel مسلم même s'il ne connaît pas les preuves, est-ce qu'on peut citer comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala al-ajj, l'incapacité? Il dira là. Limada, lianna sa fitra et sa raison, elle rejette Allah. Pourquoi? Parce que l'incapacité, c'est de la faiblesse. C'est de l'imperfection. Et Allah, il est parfait, azza wa jal. Qala idhan, al-aql yudrik bi anna al-ajj la yumkina yusafu Allahu bih, والعمى كذلك إلى آخره. قال وهكذا على سبيل العموم ندرك كذلك، لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف على السماء. أما على سبيل التفصيل مثلا وان فرير يدمند سيتي موا دي اتريبيو بارفي دالله عز وجل. On sait qu'Allah il est parfait, la perfection, la raison elle accepte ça. Lakin wahid il demande des détails. Mathalan wahid il va dire sifat al-qudra. Un autre il va dire sifat al-wajh. Un autre il va dire sifat al-yadayn. Et on va commencer à citer des imams. Il faut des adillah. Al-qudra on a des adillah. Al-wajh on a des preuves. Allah il a un visage. Les mains on a des preuves. Vous avez remarqué, vous avez compris la différence entre al-tafsil ou al-ijmal. Et quand on part globalement, en général, là, chaque la raison, elle accepte. Allah, il est parfait, il n'a pas d'imperfection. Ça, c'est vrai. Ala sabil al-tafsil, pour citer des noms ou des attributs en détail, la bud min dalil. Les ma'adal, yanna, on est des êtres humains et on ne peut pas concevoir ces choses. Et là, on doit parler plutôt bi'ilm. La bud annas. Aïe, une preuve. Hada, wallahu ta'ala a'lam. Hadi al-qa'ida, elle est très très simple, al-khamisa. أن أسماء الله عز وجل توقيفية. فمن غزم أسماء الله توقيفية أي نقف عند نص من كتاب أو من سنة. أي on doit s'arrêter au texte. On n'a pas le droit de transgresser, de dépasser les limites في هذا وفي غير هذا. فلا شك أن هذا الباب اللي فوندي sur le Coran والسنة. أما مجرد العقل أو القياس أو عياذ بالله plus grave les rêves بعضهم في هذا الباب العظيم باب الأسماء باب الصفات باب العقيدة يسبس sur les rêves. حتى انحرفوا الصوفية والروافد حتى شبهوا مثلوا عياذ بالله ils ont fait ressembler الله سبحانه وتعالى à la créature. لماذا؟ لأنهم يسبس sur les rêves et الشيطان ils jouent avec leur raison et ils se sont égarés. فنحن في هذا الباب on se base pas que sur la raison. القياس كذلك et من باب أولى les rêves et les ondes. Un tel il a dit que Allah il a tel nom, tel attribut. Il faut des adillah, il faut des preuves من الكتاب ومن السنة. فالحمد لله on a compris cette règle. Continuez la révision Inch'Allah le prochain dars, la règle numéro 6. La règle numéro 6, Cheikh Mouhamine il a cité une liste de noms et on n'expliquera pas ces noms dans ce livre. لماذا لأن et Inch'Allah, si on peut, on lira ensemble le livre de Cheikh Saadi, rahimahullah, ou plutôt les aqwal qu'ils ont rassemblés dans un livre, les paroles de Cheikh Saadi sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa il est nafi' jiddan. Inch'Allah, le prochain dars, quand on lira, si on lit les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a cité sur Mu'taymin, on les lira sans expliquer et on expliquera Inch'Allah dans un dars à part. لماذا لأن c'est un ilm azim et ça demande du temps et l'essentiel dans ce livre c'est de comprendre les règles. Si on s'attarde à chaque nom ça va prendre pas mal de temps et c'est pas ça le but. Le but c'est de comprendre ces règles et dès qu'on aura fini ce livre Inch'Allah si on peut directement après ou on trouvera un moment pour étudier les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou plutôt certains noms d'Allah azza wa jal. Et من أسهل الكتب وأنفع الكتب في هذا le livre que c'est pas Cheikh Saadi qui l'a écrit mais ils ont rassemblé ces aqwal et la vérité c'est quand même Cheikh Saadi il est mufid jiddan inshallah en cédant d'autres livres. فهذا والحمد لله.